Maintenant, ça va mieux. J'espère que ça va continuer comme ça. Et par contre, la semaine passée, ça a été vraiment un truc un peu grave dans ma famille. J'ai pu annuler à la compagnie. Alors, une première chose que je vais vous dire, c'est que normalement, il y avait tout le 29 mars. Mais je voudrais donner le 22 mars, le mercredi prochain. Je vous confirme ça lundi, parce que Linda est en congé, et donc je ne vais pas m'assurer que ce pouvoir soit lui le mercredi prochain. Je crois bien que ça va se faire. Donc je vais vraiment la confirmation parce que je vais donner ce pouvoir. L'autre chose que je dois vous dire, c'est par rapport à l'examen. Vous avez vu qu'ils vous ont collé un examen écrit, je n'ai jamais demandé ça. Vous oubliez cette carte de la partie de la loi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire l'examen de M. Vallée. Donc on fera l'examen en commun. Le jour, un jour du mois de juin que nous vous fixer en fonction de vos horaires déjà et de nos occupations à nous. Et ça sera fait très vite. Et ça vous sera communiqué très vite. Donc, il a expliqué qu'il a reconstitué pour son cours 12 groupes d'étudiants, que pour l'examen, vous seriez entendu à tour de rôle par groupe sur différents points, qu'il vous a expliqué toute une série de choses. J'y reviendrai la semaine prochaine, parce que moi, je m'ajouterai à ce qu'il vous a déjà expliqué. Et donc, en fait, ça sera dans la continuité des cas que vous aurez développés dans le cadre de son cours. Ben, moi, je vous pose des questions qui sont en lien, bien sûr, avec l'aspect institution, sources de financement public, etc. Donc, pas de panique. J'ai des détails. Et je disais à quelques étudiants qui étaient là plus tôt que pour nous, c'est une journée. Vous avez vu ça, je pense, au cours précédent, l'année passée. On s'était bien amusé, même si c'était très très long. Surtout qu'on avait fait deux journées. Une journée où les étudiants apprenaient leur cas, on leur formait des groupes aléatoirement, il y avait des gens qui ne s'étaient peut-être jamais parlé toute l'année, et où ils devaient travailler sur une note d'intention, et puis l'après-midi, ils devraient travailler sur une note de réalisation, un plan stratégique. Et puis la fois d'après, on les laissait continuer à travailler une semaine chez eux, en groupe, etc. Et puis on les revoyait pour les entendre sur le projet définitif. Cette année-ci, ça sera concentré en une journée parce que vous aurez déjà fait finalement toute la première partie de notre intention dans le cadre du travail du séminaire de M. Vallée. Allez, alors, pour rappel, le seul cours que j'ai réussi à donner le 9 novembre, si je ne m'abuse, a traité de l'organisation politique administrative de la Belgique. Bien entendu, je ne m'en fais jamais de l'état par cœur, même par cœur. C'est impossible et puis ça change tout le temps. Donc, pas tout le temps. Les grandes lignes restent les mêmes, mais ça change quand même à voir. Alors, ce cours-ci d'aujourd'hui, donc, comme vous voyez le titre, va être plus consacré à l'histoire des politiques culturelles. Alors, je ne vais pas dire en fédération à l'UNICEF, puisque la fédération n'existe plus depuis deux années, que la communauté française avant-elle n'existait aussi que depuis 50 ans, enfin aujourd'hui. Et ça a commencé bien avant, parce que ça a commencé en 1830. Mais bon, je ne vais pas faire tous les détails, hein. Je vais essayer de faire que le cours d'aujourd'hui là-dessus. L'an dernier, j'avais fait deux cours là-dessus, mais je trouvais que c'était trop long. Et alors, le cours prochain, outre les explications pour l'examen, on abordera déjà la structure de l'administration de la culture au sein du ministère de la Fédération et de l'UNICEF, puisque c'est ça qui vous sera le plus utile par rapport au travail chez M. Vallée et par rapport à l'examen, évidemment. Et puis nous avons encore deux cours prévus après les vacances de Pâques. Je vais essayer d'obtenir, voire donner éventuellement 3 heures de cours, mais je vais dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. En fait, j'ai voulu, mais on me l'a refusé parce qu'on m'a dit un auditoire c'est 2 heures ou 4 heures. Je dis, donnez-moi 4 heures. Non, parce que si vous faites 3 heures, ça va. Donc, ce sont les méandres administratifs de l'université qui sont là. Alors, on va commencer par la période de 1830 à 1960, avec un contexte historique général. Je vous l'avais déjà signalé lors du précédent cours, c'est que au moment où la Belgique est créée, bien entendu, le pouvoir politique est dans les mains de gens qui parlent français. Je vous rappelle que toute la problématique en Belgique est lié à la langue, au problème de langue, aux questions de langue. Et en plus, c'était bien évidemment la bourgeoisie francophone qui tenait les rênes du pouvoir. Autrement dit, aussi des gens qui ont accès à l'éducation, qui ont accès à une certaine forme de culture, au détriment des autres à l'époque. Après ça, on va, ça je vous l'avais dit aussi déjà, avoir le développement de revendications culturelles flamandes. Pour faire la face là-dessus, nous sommes dans un pays avec au moins à l'époque des langues qui cohabitent. Et donc au 19e siècle, puisque là on est au 19e siècle, toutes les politiques culturelles qui vont être prises et adoptées par les pouvoirs publics, au niveau national, à l'époque, il faut le rappeler, puisqu'il n'y a pas encore, bien sûr, régionalisation, communautarisation, loin de là, sont fatalement prises par les bourgeois francophones. Donc, on va mettre en avant un type de culture, qui est la culture liée principalement aux beaux-arts. Et donc, à la promotion des beaux-arts, et donc fatalement au financement de musées. À l'époque, évidemment, les musées financés étaient que sont devenus aujourd'hui, que sont aujourd'hui les musées fédéraux. Donc les musées royaux des beaux-arts, les musées royaux d'art et d'histoire, le muséum d'histoire naturelle, de sciences naturelles, ça c'était notre version à ce moment-là, on n'en pas de compte. En gros, c'était ces deux musées-là, principalement, bien sûr, au niveau des villes, des communes et des provinces, il pouvait aussi y avoir des musées publics, mais la tendance c'était les musées de beaux-arts. Il n'y avait pas encore une diversification comme on l'a aujourd'hui. En termes de thématique muséale. Alors tout ça, donc, c'est pendant tout le 19e siècle, quasiment, c'est ça qui prévaut. Alors dans la première partie du 20e siècle, va apparaître la notion de démocratisation culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette culture aux arts artistiques, on va aussi essayer de la rendre accessible aux classes populaires. Donc au nom bourgeois, donc aux gens qui n'ont d'habitude pas, qui n'ont pas de main au musée et qui n'ont pas l'éducation, qui ne sont pas supposés avoir l'éducation leur permettant d'appréhender les beaux-arts et leur grandeur. C'est là qu'on va voir apparaître, par exemple, en 1921, les premières bibliothèques publiques, puisque la littérature, c'est également une partie des beaux-arts. Alors, je mets une bien belle art avec le théâtre national, le théâtre, le drame, etc., ce sont aussi des arts considérés comme nobles, entre guillemets. Donc, ça, le théâtre national, c'est 1945, les bibliothèques publiques, c'est 1921. Et. Apparaissent après, dans les années 50, les tournées à Rivi. Donc, les tournées à Rivi, c'est, ça existe toujours, si j'en abuse, c'est des fonctionnaires, historiens d'art en général, je schématise très fort, mais c'est pour vous montrer, qui se rendent dans les provinces profondes pour apprendre les beaux-arts aux populations locales qui ne viennent pas à la fin. Et qui ne vit pas dans les grands centres urbains. Donc ça, c'est créé en 1950. J'entends qu'ils tapent ardemment sur leur portable. Vous n'êtes pas obligé de soulever le PowerPoint de ça. Évidemment, vous ne mettez pas. Je dis plus que ce qu'il y a sur les écrans, mais maintenant, peut-être qu'ils font autre chose. C'était une grande discussion, d'ailleurs, chez une assise que j'ai eue avec Olivier il n'y a pas longtemps, en me disant, est-ce qu'on interdit aux étudiants d'ouvrir leur ordinateur? Est-ce qu'on les laisse mettre un bac et qu'on mette les smartphones à l'entrée de l'école? On n'a pas répondu encore, on est encore en train de réfléchir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la démocratisation de la culture, hein, ce processus d'aller des classes sociales plus élevées vers des classes sociales plus basses, plus populaires, pour les éduquer. C'est une forme de processus de civilisation, si vous voulez, des classes populaires, comme on a fait après le Congo, en allant civiliser les Nigériens. Alors, à partir des années 60-70, après la création des tournées à Rivi, qui sont quand même quelque chose d'important dans la partie francophone, en tout cas du pays, essentiellement. Je ne sais pas si en Islande, ça existe les tournées à Rivi telles quelles. Je regarde évidemment notre étudiant des anglophones, il n'a pas l'air d'en savoir plus que moi. Et voilà, et donc, ça, le plus précisément encore, c'est ces tournées, elle est aussi à la diffusion de spectacles, où on éduque les gens, mais c'est des fonctionnaires qui accompagnent et qui organisent tout ça, chaque mois, en cas. Alors oui, en 1953, la création de la discothèque nationale, la musique également, hein, de l'art. Et puis, on a les années 60, alors là, on va différencier les politiques artistiques, les idées de beaux-arts, des politiques culturelles. Ils vont donc inclure plus de disciplines culturelles, populaires, des arts de la rue. Et c'est Marcel Ittert qui est notamment à la base de ça, à la base de ce changement-là. Et ça va entraîner donc dans la conception, l'approche de la culture, un changement. On va passer de la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle. Autrement dit, la démocratie culturelle va essayer de remettre sur un pied d'égalité toutes les formes artistiques et culturelles. Il n'y aura plus les beaux-arts, c'est les meilleurs, la grande musique, c'est la meilleure, la musique populaire, les musiques folkloriques, les danses traditionnelles, etc. C'est du même acabit. Je conviens qu'aujourd'hui, même si pour vous, j'ose l'espérer, ça l'est, il y a encore beaucoup de gens qui ne voient pas ça comme ça, qui font une hiérarchie dans les arts en fonction des arts nobles et des arts non nobles. Donc là, ça c'est le temps qui est là. Donc ça c'est vraiment un mouvement qui est très important. Et c'est des termes qui sont utilisés, vous pouvez revenir pour les sites de travail après. Je laisserai vous dans le milieu culturel, une fois public ou privé, ASBL ou privé autre. C'est important, c'est mesures. Et d'ailleurs, je vous recommande la lecture de. Je le mettrai à la fin dans vos points. D'un périodique repère numéro 4 et 5 qui est édité par l'Observatoire des politiques culturelles. Qui est consacré à la démocratie culturelle et à la démocratisation de la culture et qui est rédigé par Céline Romainville, que je pense avoir déjà cité lors du cours précédent. C'est ce fondat-là, donc évidemment, il revient souvent. Donc, on va reconnaître les productions culturelles populaires ou minoritaires qui sont considérées comme étant en lutte avec les autres, ceux qui sont reconnus depuis plus longtemps. Et on va essayer d'abraser les inégalités sociales par cette approche culturelle. Alors, on va non seulement faire ça, mais on va faire ça comment? Parce que c'est facile à dire. Eh bien, on va faire des détenteurs de ces cultures populaires les acteurs de ces cultures populaires. Donc c'est eux qui vont devoir prendre en main et faire reconnaître et valoriser leurs activités culturelles. Ça va entraîner quoi? Ça va avoir de grands... En fait, ça va dessiner la façon dont la culture, en tout cas dans le sud du pays aujourd'hui, est construite, est appréhendée. C'est vraiment de là que tout part. Pourquoi? Parce que fatalement, là, on ne va plus aller faire voyager les groupes de théâtre, ou bien que voyager, parce que les groupes de théâtre sont encore. On ne va plus envoyer des fonctionnaires pour éduquer les artistes. Hein. Donc, on va créer, prendre des relais. Et on va créer des maisons de jeunes. Là, je vous ai mis ici une série d'associations, d'institutions qui ont été créées en 71. Les maisons de la culture, les foyers culturels en 70. Centre d'expression et de créativité en 76, télévision locale et communautaire en 76 aussi, l'éducation permanente qui a deux décrets successifs en 71 et en 76, et tout ça va travailler avec une série alchimie d'institutions culturelles qui sont formées par les gens, vous et moi, sur le terrain, dans les villages, les communes, etc. C'est ce qu'on appelle, donc là je l'ai mis en gras, le maillage culturel. Cette organisation, enfin, cette forme d'organisation, ce maillage culturel, il est aussi caractérisé par le fait qu'il repose sur des piliers. Et c'est comme ça, hein, le terme qui est utilisé dans l'histoire de la culture en communauté française, c'est donc quoi ces piliers ? Ce sont des groupes d'organisations ou d'associations, ou bien et d'associations, qui servent à l'encadrement social des individus. L'encadrement social et culturel, c'est socio-culturel plutôt des individus. Et donc, en fait, les pouvoirs publics vont déléguer à ces institutions, à ces piliers, leurs compétences dans beaucoup de domaines culturels, socio-culturels. Autrement dit, ces piliers, ces associations deviennent des responsables de l'application des missions de service public, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de politique de jeunesse, par exemple, de la concertation sociale, etc., mais aussi de la culture. Et alors, évidemment, là où vous allez comprendre plus de choses, c'est que ces piliers, ces groupes d'associations et d'éducation, ils ont des couleurs politiques. Et donc, ils sont en général d'une tendance politique majoritaire. Et c'est comme ça que vous verrez, je vous ai parlé à l'histoire de la communale à Liège, là, mais c'est un peu du même genre. C'est, notamment dans les lots, il y aura beaucoup d'associations socialistes, etc. Donc, si on va dans le Luxembourg, ben, il y aura plus d'associations de type, à l'époque, le PC, le Parti Socialiste, et maintenant le CDA. Ça dépend vraiment de la présence politique et des tendances politiques sur le terrain. Et je peux vous dire que pour travailler donc, dans une administration centrale, là, c'est pas évident hein, toujours de gérer des acteurs qui ont comme ça une carte politique clairement affichée, alors que moi j'ai pas fait de parti. Et alors de voir qu'il y a certains fonctionnaires qui sont de la même couleur, qui vont être plutôt favorisés alors qu'ils ne peuvent pas. C'est des trucs. Et vous comprendrez tout ça quand vous serez dans le milieu du travail. Peut-être que sur votre lieu de stage, vous avez déjà remarqué des choses aussi. Peut-être que vous allez regarder votre lieu de stage autrement maintenant. Mais bon, tout ça, parfois, ça pourrit le système. Ça, j'ai déjà dit. Ça, j'ai déjà dit. Ça, j'ai déjà dit. Alors, ce poids des piliers et des familles politiques avec lesquelles ils sont liés, donc là, on va dire plusieurs familles politiques, hein, c'est une famille politique, va déboucher en 1973 sur l'adoption du pacte culturel. Alors ça, c'est aussi un truc qu'il faut connaître. Enfin, je ne vais pas donner les détails, parce que c'est vraiment un digeste, mais il faut savoir où trouver, c'est facile, ça se trouve sur Internet, vous ajouterez la référence en portant. Et ce pacte culturel, en fait, va essayer de contrer le fait que dans telle ou telle région, ça soit justement une dominante socialiste ou une dominante catholique, enfin ou chrétienne. On va essayer de faire ça autrement en instaurant dans la composition des associations le pluralisme. Et donc, qu'il y ait des gens de toutes les tendances politiques, par exemple, qui soient représentés au sein de cette institution culturelle publique. Ça va aussi mener à la création des instances d'avis. Est-ce que vous savez ce qu'est une instance d'avis ? Alors, les ministres de la communauté française, Fédération de la Bruxelles, et je ne crois qu'en Flandre, c'est aussi le cas, comme ils ne sont pas spécialistes dans toutes les matières, évidemment, de leur portefeuille, ils ont des conseils. Ils ont des conseils qui travaillent à eux, ce sont des personnes, des experts, on le souhaite, en tout cas. Mais ils ont aussi des groupes de personnes, des groupes d'experts par matière. Et donc, c'est ce qu'on appelle des instances d'avis. Donc, vous avez en culture, je vous donnerai le chiffre la semaine prochaine, parce que je ne le connais pas par cœur, ça ne sert à rien. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'instances d'avis. Alors moi, par exemple, dans mon secteur au patrimoine culturel, j'en ai six, nous gérons six instances d'avis, puisque ce sont des fonctionnaires qui sont les secrétaires de ces instances. Donc, doivent aider, convoquer les réunions. Moi, personnellement, je suis secrétaire du conseil des musées et des autres institutions muséales qui rassemblent des spécialistes en muséologie qui, évidemment, bien souvent sont conservateurs de musées, qui rassemblent des représentants des associations des opérateurs, donc des associations de musées, nous en avons trois dans la partie francophone, et qui rassemblent des représentants des utilisateurs, donc ça veut dire par exemple un représentant de la Ligue des familles, ou quand le CRIOC existait encore, c'était à son âme, un représentant du CRIOC, donc qui défend les droits des usagers de la culture, et puis qui comprend quatre représentants des quatre principaux partis politiques, donc le NR, le PS, le CDH et Colombe. Il n'y a pas les petits partis, hein. C'est vraiment les quatre partis officiels. Alors, en Flandre, par exemple, ils ont réformé ça, parce que c'est plus facile à gérer, mais c'est moins démocratique. Ils ont fait, je pense, une grande instance d'avis par domaine. Puisque ici, je vous disais, oui, patrimoine, on en a six, donc on a les musées, on a l'héraldique, la vexillologie, la sigillographie, on a les archives, on a le patrimoine culturel mobilier, on a le patrimoine oral et immatériel, et on a l'ethnologie. Mais en Flandre, il n'y en aurait qu'une pour toutes ces six matières, avec des experts des différentes matières. Ça coûte moins cher, parce que ces gens touchent des jetons de présence, donc ils sont évidemment ridicules, hein, pour une demi-journée pour 40 euros. Bon, pour vous, c'est énorme, mais ils sont taxés là-dessus. Et là, ils ont leurs frais de déplacement remboursés, mais c'est aussi des cacahuètes. Et ils passent un temps fou parce que je dis, s'ils se réunissent pour étudier des dossiers, donc pour débattre des dossiers, les dossiers, ils les étudient chez eux sur leur temps libre. C'est pour ça qu'ils se réunissent. Donc c'est vraiment aussi une implication citoyenne de ces personnes dans le fonctionnement du pays. Donc ça, c'est, tout ça, c'est instauré par l'adoption donc, du pacte culturel en 1973. Alors, la plupart des parties, oui, ça a été adopté en 73, c'est évidemment été signé par la plupart des parties en 72, hein, la loi avec le date de 73. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est le pluralisme, etc. Mais c'est quoi? À quoi ça va servir? Ça va protéger les minorités idéologiques et philosophiques aussi, au nord et au sud du pays. Donc, ça, c'est pour le territoire national. De toute façon, je vous rappelle qu'en 73, on est gauche, oui, il y a les communautés qui sont évoquées, mais la région, tout ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, pourquoi ce pacte culturel est-il adopté à ce moment-là, outre que c'est un résultat de la démocratie culturelle? C'est aussi parce que, justement, en raison des problèmes de langue, hein, il y avait qu'est-ce qui s'est passé fin des années 60, il y a les revendications flamandes, etc., par rapport à la langue, par nous. Et donc émerge à ce moment-là le projet de créer les communautés linguistiques, de la communauté française et la communauté flamande. Et le pluralisme fait peur en plus de ça. Fait peur à qui? Principalement à qui, jusque-là, je vous ai dit, à le pouvoir. La bourgeoisie, par des fonctions, historiquement dans ce pays, elle est quand même majoritairement catholique. C'est les guerres scolaires dans les années 60. Or, dans les partis, il y a des partis qui sont quand même à sensibilité plus laïque. Et donc les catholiques ont très peur en introduisant la pluralité et la représentativité des différentes tendances politiques au sein des associations, et finalement, ils perdent de leur emprise sur toutes ces associations. Ils n'avaient pas peur. Hein. C'est quand même ça le résultat, c'est que c'est plus laïque qu'avant. Et donc, c'est plus équitable qu'avant aussi. Et si on n'avait pas introduit cette pluralité, peut-être que la communauté française serait devenue plus socialiste en majorité et que la communauté flamande serait devenue plus catholique. Donc ça nous sert quand même, parce qu'il y a des effets quand même positifs à toutes ces histoires. Là, je vous ai mis des détails intéressants. Donc, les signataires du pacte culturel, c'est évidemment les trois grands partis traditionnels à l'époque. Écolo n'existe pas. Le FDF, fond des francophones. Aujourd'hui, c'est Défi. Olivier Maya. Le Rassemblement Wallon. Le Parti communiste. Et alors, il y a eu un soutien de la Volksunie, mais la Volksunie n'a pas signé le pacte. Donc, la loi, voilà, elle date du 16 juillet 1973 et les articles 23 avec les mesures de 2009. Et je vous ai mis, donc, imposer les légalismes évitant les discriminations, les abus de pouvoir à tous les niveaux compétents dans les matières culturelles attribuées aux communes. Est-ce que ça va? Allez, on continue. Je signale quand même le 28 janvier 1974, la communauté flamande a adopté, elle, un décret relatif au pacte culturel. La communauté française, parce qu'elle fait toujours partie de la communauté flamande, a également posé un décret du même genre qu'elle avait un peu amendé, mais ça n'a pas été adopté. Donc, la communauté française, il y a un décret par rapport à ça. Et le décret flamand, lui, il a été déjà modifié en 2009 suite aux modifications de la loi que je vous ai signalée juste avant. Alors, quelques dispositions importantes quand même, donc il ne faut pas que les abattoirs, ça ne sert à rien. Il faut juste savoir où trouver le pacte culturel, voire avoir une copie de ce texte dans vos valises. Donc, l'obligation d'associer les diverses tendances idéologiques et philosophiques à la gestion des institutions culturelles publiques ou assimilées. Donc, quand je vous ai dit que dans les instants, par exemple, il y a des représentants des quatre partis politiques, il faut savoir que ces partis politiques sont également considérés comme des représentants des tendances idéologiques et philosophiques. C'est pas que politique. Ça donne le droit aux associations agréées, bon, pas n'importe qui, pas une ASBL, demain et qui n'aurait aucune reconnaissance légale de la part de la communauté française ou flamande. Si c'est Joséphine qui écrit. Là, vous n'aurez vous pas encore écrit, vous ne pas encore écrit. Donc, pour les associations qui le sont, quelle que soit leur tendance, elles peuvent utiliser les infrastructures culturelles publiques ou assimilées. Assimiler, par exemple, selon l'interprète, parce que je suis en train justement de dire qu'est-ce que ça pourrait bien être, assimiler. Qu'est-ce qui est assimilé aux institutions publiques? Un parastatal. Pourquoi pas une intercommunale? Je ne sais pas, il y aurait l'intercommunale qui gère les centrales électriques. Une fois que la centrale électrique est désaffectée, elle appartient toujours à l'intercommunale, et là, les associations pourraient être utilisées pour faire des installations, des spectacles, etc. L'ULB est une université privée, mais la façon dont elle fonctionne et elle construit, c'est comme un parastatal. Par exemple, les salaires, les niveaux des profs, etc., dans les termes administratifs, correspondent à la hiérarchie des fonctionnaires. Donc on n'a pas les appellations, à l'université, il n'y a pas des attachés et tout ça, mais c'est les mêmes niveaux. Alors, vous voyez, obligation d'utiliser des procédures objectives et transparentes pour tout soutien financier. C'est-à-dire que ce n'est pas gagné, c'est une lutte de tous les jours. Pas plus tard qu'avant d'entrer ici, j'avais une de mes collaboratrices en ligne qui m'a dit que je vais faire une mesure d'appel et du public. Qui gère un musée. Je te rappelle qu'on avait déjà envoyé un rappel en disant qu'il fallait tel et tel justificatif d'utilisation de la subvention. Je n'ai toujours rien, donc je propose de ne pas liquider la fin de sa subvention 2015 et donc par conséquent de ne pas lui verser sa première partie de subvention 2016 ni sa deuxième partie de subvention 2016. Et encore moins la première partie de 2016. On doit faire comment, et pour, évidemment, on a les lois et tout ça pour comme argument, bien sûr. C'est pas ça parce que tout d'un coup, une association est en règle. Mais j'ai un autre cas où de cette juridique, elle refuse parce qu'il y a des justificatifs qui peuvent prêter à confusion. Ce n'est pas très clair, c'est pas si pas du détournement bien public. Donc évidemment, vous savez bien que l'argent qu'on donne à ce genre d'association via la loi publique, ce sont dans un pot. Donc on a intérêt à ce que ce soit le mieux contrôlé possible. Alors, la représentation des différents partis dans les organes d'administration et de gestion des instituts publics de radio et télévision, ça c'est spécifique, je ne rentre pas dans les détails. Mais donc les partis sont effectivement représentés au CA de la FDF, au CA de la RT, etc. Alors, la protection de groupements d'usagers ou associations, c'est difficilement applicable en fait, ça l'est. Parce que, par exemple, quand vous avez une association comme Musée Société en Wallonie, la Ligue des Familles, ça c'est les usagers, ce ne sont pas les opérateurs, donc tout ça c'est un jargon, j'y reviendrai la semaine prochaine. Donc, c'est les usagers, c'est vous et moi, quand on fréquente un lieu culturel. Donc, ben, il peut y avoir la protection de la Ligue des Familles via le pacte culturel, par exemple. Alors, c'est difficilement applicable, oui, parce que, évidemment, un groupe d'usagers, c'est difficile de garantir qu'il y ait une pluralité, etc., etc., entre des individus. C'est ça que ça veut dire. La création d'une commission nationale permanente du pacte culturel, alors ça existe, hein, il y a tous les détails, la composition, ça change tout le temps, etc. Donc, pour assurer le respect du pacte, vous voyez qu'il y a une parité francophone et anglophone, et il y a évidemment deux germanophones. Pas les oubliés, ils n'étaient pas là depuis longtemps, mais ils sont là et ils y siègent. Alors, le pacte culturel donc, prône enfin que toute politique culturelle publique doit obéir à sept principes essentiels que je passe en revue le plus rapidement possible, je ne vais pas trop. Donc, la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle. Pour élaborer et mettre en œuvre une politique culturelle, les pouvoirs publics sont obligés d'associer des utilisateurs et toutes les tendances idéologiques et philosophiques à l'élaboration, à la mise en œuvre, etc. Donc c'est ce que font ces gens qui siègent dans les instances d'avis, que ce soit des représentants des associations d'usagers ou des tendances politiques et idéologiques et philosophiques. Alors, il y a des organes de concertation, de consultation. Les consultations, c'est les instances d'avis. Les concertations, ben, c'est des comités de concertation qui se réunissent quand plusieurs secteurs ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une politique culturelle proposée. Je n'en connais pas, moi, dans mon secteur. Ça se passe plutôt relativement bien chez nous, pour l'instant. Le deuxième principe, c'est la participation à la gestion et à l'administration des organismes culturels avec un équilibre des organes de gestion et d'administration. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, il ne faut pas répondre non plus. Il y a trois formes de représentation possibles, la proportionnelle, la co-gestion et la gestion seule. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez des détails, vous irez lire le bac culturel. Ne faites pas ça si vous avez un travail avant le lendemain. C'est en plus souvent un sujet. Alors, troisième principe, c'est les garanties relatives à l'utilisation des infrastructures culturelles. Donc, on ne peut pas exclure, on ne peut pas refuser l'accès d'un lieu culturel, enfin, l'utilisation d'un lieu culturel à une association agréée ou une organisation agréée. On rappelle le mot agréé. Si ce n'est pas agréé, là, on peut vous aider. Je pense que c'est ce qu'on a fait aussi, par exemple, par rapport à Dieudonné, qui voulait se produire dans un dépôt à sacré. Alors, tout groupement ou organisation culturelle agréée, donc, peut utiliser l'infrastructure culturelle gérée sous l'autorité d'un pouvoir public. Attention, ça veut dire aussi que les ASBL, du genre le Botanique ou les Alvesgardiques, c'est des ASBL majoritairement financés par la Fédération. La communauté française peut parler constitutionnellement. Et donc, eux aussi sont tenus de respecter leur culture. Même si ce n'est pas vraiment. Parce que comme c'est géré par un privé, parfois vous allez hésiter. Alors renseignez-vous qui est propriétaire des bâtiments déjà. Ça vous est clair. Et alors, il y a le fait que l'autorité publique et les organes de gestion d'administration ne peuvent pas. Ça, c'est la théorie. C'est garanti par le bac culturel, mais je peux vous dire que c'est pas souvent respecté. donc ne peut pas s'immiscer dans la programmation, dans le contenu des activités qui se déroulent au sein des infrastructures culturelles. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je crois que dans certains cas, c'est peut-être même bien qu'elle s'immisce. Dans d'autres, c'est pas bien. C'est au contraire. Mais bon, le pacte culturel garantit que normalement, elle ne peut. Alors, les garanties relatives à l'octroi de suivi en espèces ou en nature en faveur d'activités culturelles régulières. Donc ça, c'est ce que vous disiez, les associations et les organisations doivent être agréées, donc il y a une réglementation sur ces agréations. Ça veut dire, au niveau de la communauté française, on se rappelle comment s'appellent les textes de loi promulgués, sont des lois, des décrets, des ordonnances. Comment s'appelle le texte qui a fait que vous êtes maintenant en bloc 1 ou en bloc 2 et puis en master 1 et en master 2? Et c'est quel pouvoir qui a fait ça? Allez, le parcours. Parcours avec une de ses casquettes, hein, parce que c'est pour ça qu'on fait la vie. Qui est-ce qui gère l'enseignement supérieur? Qui est-ce qui gère la culture? Qui est-ce qui gère l'enseignement? Quand même, hein. Il y a des boursiers parmi vous? Parce que les boursiers, c'est la communauté française qui fait la loi. Donc, il faut qu'il y ait un décret. En plus, vous avez une mauvaise lecture. Au niveau donc, de la communauté, des communautés, parce que c'est la même chose en Flandre. Hein. Ou alors, quand on descend les niveaux de pouvoir, la province, la commune, ce sont les règlements communaux ou provinciaux qui vont agréer les associations et leur octroi des suivis. Évidemment, ça entraîne qu'ils doivent respecter certaines règles. Je vous rappelle qu'ils sont quand même tenus d'utiliser l'argent en bonne escient, donc il y a des règles pour baliser tout ça. Alors, il y a des exceptions, notamment celles relatives aux initiatives expérimentales. Encore que moi, je n'en connais pas de cas concret, mais on pourrait, par exemple, considérer, est-ce qu'il y a des montoises? Non. Bon, vous avez entendu parler de Mont 2015. Vous savez également s'il y a un pôle muséal qui rassemble 12 musées ou 10 musées. Eh bien, le pôle muséal en tant que tel est une structure, une organisation qui n'existe n'est pas reconnue par un quelconque texte légal. La ministre actuelle de la culture, Kéréoli, à la suite, sur une suggestion d'administration, étudie le fait d'inclure ça dans un décret de reconnaissance des musées. Ce n'est pas encore fait, et c'est loin des faits, parce que c'est pas très bien. Bien, le pôle muséal de Mons pourrait être considéré comme une initiative expérimentale. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait en Mons. Ils ont constitué ça, la ville de Mons a constitué ce pôle, pour mutualiser les moyens en termes de gardiennage, de budget, de promotion, etc., de service pédagogique. Et donc, nous, on observe ça pour voir comment ça fonctionne ou dysfonctionne, hein, parce que je veux dire, il y a des pour et des contre. Donc, ça pourrait être considéré comme ça, sauf que, pas de chance, c'est un pouvoir public, puisque c'est la ville de Mons, et donc ils sont tenus de respecter tous les règlements qui existent, les musées. Mais bon, voilà, c'est un exemple de ce que pourrait être une initiative expérimentale. Alors, le cinquième point, ce sont les garanties particulières concernant les encouragements individualisés. Par exemple, art, lettres et sciences. Intervention publique fondée sur des critères objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un écrivain, par exemple, ou un artiste d'art, vous allez pouvoir obtenir une subvention sur votre projet, par exemple, mais évidemment, vous allez devoir respecter une série de règles et justifier aussi l'utilisation de la subvention. Ce n'est pas juste « Ah ouais, je sors à 1000 euros, je vais aller faire le truc du monde, puis il faudra produire quelque chose. » Donc, il y a, c'est un donnant-donnant. Un win-win, comme dit M. Marceau avec. Alors, ça garantit aussi il faut qu'il y ait une égalité de droit entre citoyens qui soit assurée dans ce cas-là, dans les encouragements individualisés. Donc, je veux dire, un artiste qui serait renommé. Connaissez-vous Friedman? Donc Friedman, on ne va pas lui donner une subvention d'aide à la création plus importante que Lustucru qui lui va commencer. Ce serait un traitement inéquitable. Donc c'est ça que ça veut dire. Obligation de publication de la liste détaillée des bénéficiaires de subventions publiques, ça de toute façon, normalement, tout se trouve sur les sites de voie publique. Alors, le sixième point, ce sont les garanties relatives à l'utilisation des moyens d'expression. Ben là, c'est nouveau, c'est un peu. Nous, on n'en a pas tellement besoin dans le cadre, dans nos. Si vous ne faites pas de radio de télé, c'est vraiment spécifique à la radio et à la télévision. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que d'abord c'est une matière que je maîtrise très mal, vous entendez le dire, et très compliqué. Donc si on ne travaille pas dans cette administration-là, je peux vous dire que c'est pas grave. Là je viens de recevoir en copie, mais je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai reçu ça ce matin, la nouvelle convention entre le ministère de la Fédération de l'Université et la FDF. Je peux vous dire que ça va vraiment. Ça, c'est encore pire que le papier. Alors, le dernier principe, ce sont les garanties relatives au personnel exerçant des fonctions culturelles. Donc, évidemment, dans un organisme culturel agréé. Et donc, pour le recrutement, la désignation, la nomination, la promotion, ben, il faut respecter l'égalité des droits de chacun. Donc, il y a des procédures à suivre qui sont développées par. Des décrets, il y a aussi des lois parce qu'il y a des applications fédérales pour le règlement du travail et des choses comme ça. Il y a également des directives, il y a également des circulaires, il y a également des règlements et tout ça pour être respecté. C'est pas parce que, je sais pas moi, vous êtes technicienne de surface dans un coin culturel et vous avez moins de droits que le programmateur qui vient de vous. Vous pouvez traiter sur pied d'égalité en fonction des réglementations en fait. Alors évidemment, le maillage culturel, avec les organisations, les associations, les piliers, donc les adossements politiques, et puis le pacte culturel qui vient se créer là-dedans pour assurer la démocratie culturelle, ben, ça fige un peu les choses. Ça donne un cadre et donc ça formate. Donc ça, vous trouvez aussi souvent dans la littérature sur l'histoire des politiques culturelles en communauté française, c'est, et en ligne, c'est le formateur des politiques culturelles. Et donc là, j'ai repris sur la DIA, ben, on délègue des missions de la République à un maillage institutionnel qui en plus est dense. Si vous voyez le nombre d'ASBL par exemple, qui, ben, le nombre de musées à Bruxelles, à Bruxelles, hormis le musée de la ville flamande, qui est lui le secteur flamand. À Bruxelles, les musées, qu'ils soient village ou juste francophone, et tous les musées, ou assimilés musées en Wallonie, il y en a plus de 500. Ça, c'est rien que le musée. À ça, il faut ajouter que les ASBL culturels de tous ordres, ou les ASBL de créativité, ou les ASBL de théâtre, enfin, tout ça, ça fait des centaines d'ASBL. Des centaines d'organismes qui s'occupent de culture. Donc, quand je dis danse, c'est danse. Alors, il y a aussi une segmentation entre les domaines artistiques et socioculturels, donc malgré les processus qui sont mis en place. Et donc, on est toujours, on n'a pas franchi vraiment le pas du passage de la démocratisation de la culture à celui de la démocratie culturelle. On est toujours, il y a parfois un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et ça, c'est parce que je vous dis, vous ici, je suis sûre que vous êtes persuadés de l'utilité absolument indispensable de la démocratie culturelle. Mais il y en a d'autres qui vont peut-être garder de générations plus anciennes, ou bien qui vont dans des grandes écoles, etc., qui vont juste garder peut-être une approche plus ancienne. À Alors, il y a une multiplication des institutions de proximité. Donc, évidemment, ça ses appuis et ses revers. Donc, il y a de la richesse, puisqu'il y a beaucoup de diversité, etc. Mais en même temps, plus on est nombreux à être reconnus, agréés, pour un même budget, moins on a tout. Donc, c'est ça le saupoudrage des moyens. Alors, de nouveau, un exemple concret. Je suis désolée d'être en souvent un secteur musée, mais c'est quand même celui que je maîtrise le mieux pour l'instant. Jusqu'en 2002, en communauté française, le musée était subventionné dans le cadre d'un arrêté royal. Donc, c'était une loi qui datait d'avant la création de la communauté, puisque c'était un arrêté royal de 1954. Les Flamands avaient déjà adopté un peu. Donc les francophones ont pris des réclamants, l'ont traduit, l'ont un peu aménagé et l'ont adopté le 17 juillet 2002. Pourquoi ? Pour ça. Pour lutter contre, essayer de lutter contre le saupoudrage des moyens répartis entre les musées. Il faut savoir qu'il y avait avant ça 13 musées conventionnés, qui avaient convention bien cadré légalement avec la communauté française, mais il y en avait presque 100 qui étaient dits des musées subventionnés dans le cadre de l'arrêté royal et qui recevaient, on était encore en France, de 4 000 francs par exemple par an à 200 000 francs ou 300 000 francs, etc. Et donc le but était de rationaliser ça et donc de poser des conditions de reconnaissance et des critères de reconnaissance. Alors les conditions c'est toujours posé dans les décrets, les critères c'est toujours posé dans les arrêtés d'application. J'ai rien de ça. Alors en faisant ça, en fait on oblige les musées à remplir dans les cases, hein, quelque part. Bien sûr les cases sont à géométrie variable. Mais bon, on s'est dit pas moi. C'est le ministre de Motte qui a pris ce décret à l'époque et qui s'est dit ben, ça va rationaliser le secteur. Je vais avoir fatalement moins de musées qui vont avoir de l'argent. Eh bien, en 2017, donc tous les musées aujourd'hui reconnus, la majorité des musées, ceux qui sont reconnus dans le cadre du décret, on arrive à 80, on n'est pas tellement à 200 d'avant. Et à ça s'ajoute aujourd'hui 5 ou 6 autres institutions qui sont en fait hors décret, hors de tout cadre légal. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils reçoivent comme argent est plus élevé que ce que le décret permet. Je reviendrai à ce genre de problématique aussi quand on parlera plus de l'administration. Là. Et donc, vraiment, l'administration actuelle, un de ces. De nouveau, l'administration et du conseil des musées, c'est qu'il faut faire sauter le plafond. Parce qu'on ne veut pas, quand on est en musée reconnu, avoir plus de 500 000 euros par an. Il faut faire sauter le plafond, et pour ça, les musées qui sont plus élevés, ben, ils doivent remplir aussi dans le décret, et ils doivent eux aussi remplir les obligations comme les autres. Parce que je peux vous dire qu'il y a des musées, il faut qu'ils s'approchent hein, pour remplir leur contrat finalement avec le pouvoir public. Est-ce que j'en étais ? Ah bon. Alors, la figure professionnelle de l'animateur socioculturel, qui est maître dans le cadre de ce pacte culturel et qui est enfin acquiert une reconnaissance qui peut être assimilée, je ne vais pas dire qu'il est assimilé à un artiste, hein, je vous ai mis parallèlement, mais c'est un statut, on lui reconnaît enfin un statut, alors qu'avant il n'était pas spécialement identifié comme tel. Alors, séparation entre les secteurs dépendants de subsides publics, tout ce dont je viens de vous parler, et les pratiques liées au marché. Évidemment, les intérêts publics et les intérêts privés, ça ne fait pas bon ménage dans ce cadre-là. Bon, dès que vous passez les changements de la réforme de l'État, hein.